Actu, débat, culture, idées, musique. Ça c'est l'Europe. Vous êtes sur Fadjet, à l'écoute d'Europe Roll. Ça c'est l'Europe. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes à l'écoute d'Europe Roll sur Radio Fadjet 94.2. Et bonjour à nos chroniqueurs, bonjour Cécile, Lucas, Paul, Mathilde, Nicole et Angelina. Quel plaisir de vous avoir avec nous sur les ondes. Cette semaine, vous le savez peut-être, mais c'est les élections législatives en Allemagne. Sujet à l'apparence, barbant, mais en réalité passionnant, comme vous allez le voir. Après le journal de l'actualité européenne, présenté par notre chère Cécile, ici présente, nous ferons des chroniques spéciales, Deutsche Qualität supérieure, qui vous expliqueront le béaba de cette période très spéciale pour nos voisins outre-Rhin. Avant cette magnifique spéciale, bien sûr, tour d'horizon de l'actualité de notre bon continent. Bonjour Cécile! Bonjour Juliette, chers auditeurs, chers chroniqueurs. Aujourd'hui au menu, deux actualités importantes pour l'Union européenne, les élections législatives allemandes et la crise des sous-marins, deux événements aux lourds enjeux. Dis-moi Juliette, par lequel souhaites-tu commencer? Allons-y pour les sous-marins. Très bien. Alors, pour un rapide rappel de la situation, l'Australie a annoncé mercredi 15 septembre un partenariat de sécurité conclu avec les États-Unis et le Royaume-Uni. Avec cette annonce, c'est un contrat franco-australien conclu en 2016 à hauteur de 31 milliards d'euros qui, sans mauvais jeu de mots, tombe à l'eau pour l'industrie de la défense française et l'entreprise Naval Group, qui devait fournir 12 sous-marins à l'île continent. Au-delà des enjeux économiques et des tensions diplomatiques que vit la France ces derniers jours, c'est aussi une grande surprise et un rappel pour l'Union européenne au sujet de défense et de sécurité. De l'aveu de Michael Roth, secrétaire d'État allemand aux affaires européennes, on parle d'un véritable signal d'alarme. Une occasion de se demander comment l'Union européenne pourra maintenir sa souveraineté et construire dans le temps une unité solide sur les questions de politique extérieure et de sécurité. Mais pourtant, il ne s'agit pas d'un accord intra-européen ? Oui, tu as raison. Et pourtant, les enjeux sont mondiaux. Contrairement aux sous-marins vendus initialement par la France à l'Australie, ceux achetés aux États-Unis sont des sous-marins à propulsion nucléaire. Dès lors, c'est la peur d'une course à l'armement dans le territoire Indo-Pacifique, et notamment avec la Chine, mais aussi la peur d'une expansion du nucléaire qui entre en jeu. De plus, la géopolitique est un jeu de contrepoids, qui implique naturellement l'Union européenne. Celle-ci souhaite renforcer son autonomie stratégique, certes, mais elle doit absolument préserver la relation transatlantique, une opinion qui est notamment partagée par les Pays-Baltes. Un vrai jeu d'équilibriste, c'est certain. C'est propre de la politique. Il me semble d'ailleurs qu'en outre-Rhin, certains s'adonnent à ce jeu en ce moment même. Quelle jolie transition. Effectivement, les élections législatives allemandes approchent à grands pas. C'est dimanche et l'Union européenne sera pendue au résultat. Pourquoi ? Eh bien parce que l'Allemagne, c'est un membre fondateur de l'Union européenne, la première puissance économique, un moteur au sein du couple franco-allemand et des institutions. De fait, tous les partis allemands, sauf l'extrême droite AfD, intègrent le renforcement de l'UE dans leur programme. Le grand enjeu, c'est le remplacement de la chancelière Angela Merkel, qui a été à la tête du pays pendant les 16 dernières années et a indubitablement marqué l'histoire de l'UE. Le parti qui ressortira le plus puissant de ces élections proposera en effet son ou sa candidate au poste de chef de gouvernement, qui sera élu par le Parlement. Parmi les candidats déjà désignés par leur parti, on compte Armin Laschet pour la coalition CDU-CSU, Anna Bernock pour Die Grüne, Olaf Scholz, actuel vice-chancelier et ministre des Finances pour le SPD, ou encore Christian Lindner pour le FPD. En résumé, c'est un pays leader de l'Union européenne qui change bientôt de gouvernement, et dimanche marque le début d'une transition historique. Et c'est sur ce sujet complexe, mais passionnant, que je laisse la parole à mes collègues. Mais quelle semaine passionnante en Europe, Cécile ! Bon, avant de nous plonger dans une interview avec Jorenn Zönle, professeur d'institution politique à Sciences Po notamment, et donc cette interview, le gros du sujet, un peu complexe, on va se relaxer un petit peu un instant, en musique. Bonjour Angelina ! Bonjour, bonjour à tous. Pour fêter ces nouvelles élections, nous avons choisi une chanson culte. Wind of Change, du groupe mythique allemand Scorpion, n'est pas seulement une chanson particulière de par sa superbe montée en puissance, elle est aussi par le message qu'elle transporte. En faisant référence à la nuit de la tombée du mur de Berlin, cette chanson est devenue un hymne à l'unité allemande. Et après tout, les élections de dimanche vont faire souffler un vrai vent de changement sur l'Allemagne. Follow the Moskva and down to Gorky Park, listening to the wind of change. an August summer night. Soldiers passing by, listening to the wind of change. That we could be so close, like brothers. The future's in the air, can feel it everywhere. I'm blowing with the wind of change. De retour dans le studio d'Europe Roll pour cette émission spéciale élections législatives allemandes. Notre invité de la semaine est professeur des universités, agrégé en droit public. Il enseigne à l'Université de Lorraine, mais aussi sur le campus franco-allemand de Sciences Po. Bonjour, Jörn Zönle. Bonjour, merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté notre demande d'interview. Votre avis en tant qu'observateur intéressé de la vie politique allemande est important pour nous, notamment en lien évidemment avec la politique européenne. Une première question simple peut-être pour commencer, quel est le poids de l'Allemagne dans les institutions européennes et donc quelle est son influence pour la vie politique européenne ? Bon, sur le point institutionnel, et je me prononce plutôt en tant que juriste, hein, donc sur le plan politique, j'ai plutôt des observations à titre personnel, mais là, je peux dire sur le plan des institutions, donc vous le savez bien que l'Allemagne, au sein du Conseil, a le même poids que les autres grands États, donc qu'il y a un peu plus de députés au Parlement européen, mais là, comme c'est pas disciplinés, parce qu'ils sont plutôt affiliés à des mouvements politiques, hein, au Parlement européen. Je dirais que le poids allemand est les moindres. S'efface derrière les partis. Donc, le véritable pouvoir de l'Allemagne s'exerce à travers le Conseil. Et là, effectivement, elle a le même poids que, par exemple, la France ou l'Italie. Après 16 ans de gouvernement allemand mené par Angela Merkel, quel bilan tiré de l'influence allemande dans les institutions européennes ? Est-ce que Angela Merkel était la présidente de l'Europe, comme certains journalistes le prétendaient, par exemple ? Je dirais oui au niveau de l'expérience. Hein, je crois que c'est l'une des plus anciennes en termes d'ancienneté politique. Donc là, clairement, après, vous savez que les priorités politiques de l'Allemagne et de certains de ses partenaires au sein de l'Union européenne ne sont pas les mêmes. Donc il y a un certain leadership dans certains domaines et pas du tout dans d'autres. Par exemple, en matière de sécurité, non, c'est pas certainement dans aucun cas un leadership allemand. Alors évidemment, comme à chaque élection législative allemande, il va falloir trouver des coalitions pour pouvoir former un gouvernement. Quelles sont, selon vous, les hypothèses de coalition les plus probables du scrutin d'aujourd'hui, selon les derniers sondages ? Bon, là, je peux seulement témoigner hein, dans des derniers sondages et des affirmations des différents opposants en jeu. Donc, ce qui est peut-être probable, c'est un gouvernement social-démocrate hein, en coalition, je dirais, avec les écologistes. Et après, ça dépend hein, s'ils vont entrer en coalition avec Die Linke ou avec les libéraux. Je pense là, c'est un certain point d'incertitude. Mais il est aussi concevable non, que les chrétiens-démocrates entre de nouveau en coalition, même si tout dépend du résultat, comme c'est tellement juste cette année, tout dépendra en réalité des résultats concrets. Oui, bien sûr. Mais si on suit donc les derniers sondages, il semblerait que le gouvernement soit social-démocrate. Est-ce que à ce moment-là, enfin, quelles seraient les conséquences, on va dire, du passage de la CDU à la SPD au gouvernement allemand ? Quelles seraient les conséquences peut-être pour la vie politique européenne ? Est-ce que ça changerait grand-chose ? Je dirais que tous les partis politiques, hein, sauf peut-être le AfD, sont très pro-européens. Après, ils posent des priorités différentes. Je dirais les chrétiens-démocrates, ils veulent plutôt renforcer l'intégration économique. Les sociaux-démocrates, bien sûr, d'une manière assez simplifiée, l'intégration sociale. Donc, à mon avis, ça va peut-être avancer dans ce domaine si les autres partenaires européens vont de pair. Les écologistes, c'est plutôt une Europe plus écologique, non ? Donc, je crois. Donc, il n'y a pas de mise en cause de l'intégration européenne, au contraire, mais les priorités vont probablement différer. Quelle relation, vous parliez tout à l'heure de leadership dans les relations avec les autres États membres ? Quelle relation entretient l'Allemagne avec les autres États membres et dans quelle mesure est-ce que ça pourrait peut-être changer avec ces élections ? Personnellement, je ne m'attends pas à un grand changement. Hein, c'est-à-dire, mais ça c'est maintenant mon opinion personnelle, je trouve que le gouvernement actuel sous la chancelière Merkel, on aurait pu pousser un peu plus l'intégration européenne. Le président Macron avait grand ouvert ses bras, non, au premier moment après son élection. Je crois qu'il a été plutôt déçu hein, par l'attitude allemande. Donc, certes, tout le monde est pro-européen, mais a posteriori, je suis quand même un peu déçu que l'Allemagne n'a pas répondu non, à cette proposition et qu'on a perdu cette opportunité lorsque le président Macron a été élu. Est-ce que vous pensez que l'Allemagne va se montrer plus ferme sur certains sujets comme le respect de l'état de droit? Je pense naturellement évidemment à la Hongrie ou la Pologne, ce sont des sujets qui reviennent très souvent dans le débat public. Est-ce que vous pensez que ça va changer avec le nouveau gouvernement ou est-ce que ça va plutôt rester comme avant? Là, je ne m'attends pas tellement à un changement politique parce que même si officiellement non, le gouvernement polonais il est plutôt dans la famille de la droite et les chrétiens démocrates aussi, mais sur ce point-là, je crois qu'il n'y a pas de concession à faire par aucun parti politique en Allemagne, au moins pas par les partis non, qui ont cette conception de l'état de droit. Et je ne m'attends pas à un changement de ce point de vue. Autre question, on sait qu'Angela Merkel connaissait très bien Ursula von der Leyen. Est-ce que le changement de chancelier ou de chancelière pourrait affecter les relations entre la Commission européenne et le gouvernement allemand? Je dirais aussi que ce n'est pas tellement dépendant de personnalité. Parfois, ça joue. Hein, c'est-à-dire, l'actuelle présidente de la Commission, c'est une ex-ministre du même parti que la chancelière. Mais bon, les sociodémocrates sont aussi au gouvernement, hein, même si l'actuelle présidente de la Commission, elle est chrétien-démocrate à l'origine. Donc, je ne pense pas que ça posera un problème majeur. Dernière question, est-ce que vous pensez que le départ d'Angela Merkel va affaiblir l'Allemagne sur la scène politique européenne? Je pense notamment au Conseil de l'Union européenne. Et est-ce que vous pensez que d'autres pays vont en profiter pour essayer de prendre un peu plus de place? C'est imaginable dans un premier temps. Donc on peut s'attendre que maintenant, par exemple, le président français il a plus d'ancienneté. Il y a aussi le président du Conseil italien, non? Donc il y a aussi une grande expérience au niveau européen. Donc pour moi, c'est plutôt une opportunité pour peut-être pousser les Allemands vers plus d'intégration, parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup de paroles, hein? Donc les affirmations sont très pro-européennes, mais peu d'activisme concret. Donc pour moi, c'est plutôt bienvenu si les autres grands, peut-être en alliance avec les moyens et les petits, poussent l'Allemagne un peu plus vers l'intégration. On aurait toujours ce binôme franco-allemand qui mène un peu, enfin ce couple franco-allemand dont on parlait, qui mène un peu l'Europe. Je crois que c'est un peu l'idée, c'est pour ça aussi, moi je suis très pro-européen, j'ai les deux nationalités, et je crois, c'est pour moi, je suis complètement pro-européen, même si je suis parfois critique à l'égard de certains fonctionnements de l'Union européenne, mais l'Union européenne n'est pas toujours l'Europe, non? Mais je crois que l'idée européenne, elle repose essentiellement sur la réconciliation franco-allemande, hein, après... le Brexit, je crois, c'est vraiment un tandem qui reste important sans devenir dominant, hein, donc sans donner l'impression juste ou imaginée hein, qu'on veut guider l'Europe. Mais je crois que ça reste important, cette relation-là. Merci beaucoup, Jörn Zönle, d'avoir accepté cette interview pour European Roll. À très vite. Merci, c'était un plaisir. Voilà pour cette interview enregistrée avec Jörn Zönle le mercredi à 13h30 et les sondages qui étaient à notre disposition à ce moment-là. Juliette, c'est à toi. Eh bien, merci Lucas pour cette excellente interview. Merci Monsieur Zönle de l'avoir acceptée. Comme on l'a vu à l'instant avec Monsieur Zönle, plusieurs coalitions apparaissent aujourd'hui, à moins de 4 jours du scrutin, comme probable. Mais qu'en est-il de leur faisabilité, c'est-à-dire la capacité des partis à former un gouvernement ensemble pour obtenir une majorité au Bundestag? Je le demande bien sûr à notre merveilleux chroniqueur Paul. Alors Paul, qu'est-ce que t'en penses? Eh bien c'est une très bonne question Juliette. Déjà, commençons par rappeler que depuis 8 ans, l'Allemagne est gouvernée par ce qu'on appelle une GroKo, une grande coalition qui réunit les deux grands partis historiques allemands, les sociodémocrates du SPD et les chrétiens-démocrates plus conservateurs de la CDU. Mais le SPD de Olaf Scholz a clairement annoncé ne plus vouloir gouverner avec la CDU et préférerait former un gouvernement avec les Verts mené par Annalena Baerbock. Cela rend donc également bien moins probable la coalition dite du Kenya, qui reprend le drapeau du Kenya, composé donc du noir de la CDU, du rouge du SPD et du vert des Grünen. Se dirigerait-on alors vers une coalition Ampel, du nom d'un feu tricolore avec le SPD en rouge, les libéraux du FDP en jaune et les Verts? Cela paraît en tout cas le plus probable au vu des sondages actuels, qui lui conférerait une faible majorité autour de 50%. Seul couac, la divergence idéologique du FDP avec le SPD et les Verts, classés plus à gauche sur l'échiquier politique. Le chef du FDP, le parti libéral Christian Lindner, s'est d'ailleurs montré ouvertement hostile à cette coalition, en déclarant que ces deux partis avaient plus en commun avec Die Linke, le parti d'extrême gauche, qu'avec le FDP. Pourtant, le candidat social-démocrate Olaf Scholz, venant de l'aile droite du SPD, semble vouloir préférer travailler avec le FDP qu'avec le parti Die Linke, vu comme bien plus radical. Si je ne me trompe pas, ça laisse plus que deux grandes coalitions alors. Exactement, Juliette. Ne reste plus que les coalitions de la Jamaïque et du Rot-Rot-Grün. La première, qui consiste en l'alliance de la CDU, du FDP et des Verts, semble plus apte à gouverner ensemble, puisque c'est une des coalitions les plus centristes, avec des idées assez proches. Bien que moins probable dans les chiffres. Pour que cette coalition voie le jour, il faudrait en effet que la CDU gagne ses élections législatives. Or, cela semble de moins en moins crédible. La CDU n'apparaît en effet pas en bonne place pour sortir vainqueur de ces élections, du haut de ses 20% dans les plus récents sondages. À titre de comparaison, le SPD domine toujours avec 26% des intentions de vote. Cela nous laisse donc avec la dernière coalition majeure de ces élections, la seule qui réunit trois partis de gauche. Je parle bien sûr de Rot-Rot-Grün, composé du SPD, de Die Linke, parti également représenté par la couleur rouge, et des Verts. Mais la SPD a exprimé des doutes quant à la faisabilité d'une coalition avec un parti qui prône par exemple la sortie de l'OTAN et qui ne cache pas ses liens avec les Antifa. Indépendamment de leur probabilité, les coalitions les plus faisables et les plus aptes à gouverner l'Allemagne semblent donc être celles de la Jamaïque, du Rot-Rot-Grün et de l'Ampel. La Jamaïque demeure toutefois la moins réaliste des trois comme on l'a vu. Le point commun entre ces trois coalitions, c'est la présence des Verts, presque certifiés de faire partie d'une coalition après ces élections. C'est le cas aussi pour le SPD, toujours en tête des sondages. Reste maintenant à savoir si Olaf Scholz, en supposant qu'il succède à Merkel en tant que chancelier, préférera un gouvernement plus stable avec le FDP, et ce, malgré les réticences de Christian Lindner, ou au contraire un front de gauche plus écologique, mais avec un parti qui fait plus de vagues. Merci beaucoup, Paul. Je vous entends, chers auditeurs, vous êtes fatigués de tant d'informations complexes. Place à la musique avec Salomé. L'Allemagne est à l'honneur cette semaine, c'est pourquoi un retour sur les musiques mythiques allemandes s'impose. Quand on parle de chansons emblématiques allemandes, on pense souvent à 99 Schlafballons. Or aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir le premier succès musical de Nena. La chanteuse de la Neue Deutsche Welle, littéralement la nouvelle vague allemande, sort en 1982 son premier titre, Nur geträumt, qui se retrouve parmi les meilleures ventes en Allemagne juste après sa sortie. Alors préparez-vous à voyager dans les années 80 accompagné d'un air rock électro. Nein. Ah, quel plaisir d'écouter des chansons de Nena. Et maintenant, avec Mathilde, nous allons faire une petite tour d'horizon de la vision de l'Union européenne et de son avenir dans les programmes des candidats aux législatives allemandes. Bonjour Mathilde. Bonjour. Alors, l'Allemagne est une puissance centrale dans l'Union européenne, tant sur le plan géographique que démographique, ou encore, bien sûr, économique. On peut ainsi affirmer que les élections législatives de ce dimanche vont avoir un impact important, pour ne pas dire essentiel, sur l'avenir de la construction européenne. De nombreux défis attendent en effet le successeur d'Angela Merkel, et c'est pourquoi il est particulièrement intéressant de regarder de plus près comment les candidats à ces élections législatives envisagent l'Union européenne et son avenir. Bah du coup Mathilde, sur quel thème se sont par exemple positionnés les différents partis concernant l'UE ? Commençons avec un sujet qui tient déjà une grande place dans les discussions au sein du Parlement européen. La question des sanctions à appliquer aux pays qui violent l'état de droit. Celui ou celle qui accédera à la fonction de chancelier devra affirmer la position allemande à ce sujet durant son mandat. Les grands partis, à savoir la CDU-CSU, le SPD, les Verts, mais aussi le FDP et le parti de gauche Die Linke, s'accordent tous à dire que des mesures efficaces devront être prises. L'AFD, le parti d'extrême droite allemand, prône quant à lui le strict respect de la non-ingérence dans les affaires intérieures d'un pays. Autre point sur lequel les principaux partis précédemment cités semblent être d'accord, c'est le renforcement du Parlement européen. En effet, tous, sauf encore une fois l'AFD, estiment que ce dernier devrait pouvoir proposer des lois, ce qui n'est pas le cas actuellement. Le parti Die Linke, situé à l'extrême gauche de l'échiquier politique, va même jusqu'à envisager la participation directe des citoyens européens via des référendums. Ces partis proposent également d'instaurer un vote à la majorité plutôt qu'à l'unanimité pour les décisions concernant la politique étrangère et la sécurité. Le but de cette mesure est de renforcer l'efficacité du Conseil de l'UE. Les Verts estiment même que la règle de la majorité devrait entrer en vigueur pour toutes les décisions. L'AFD, au contraire, a revendiqué la sortie de l'Allemagne de l'Union européenne ainsi que la réinstauration d'une monnaie nationale allemande. Le parti d'extrême droite n'est donc clairement pas en faveur d'un renforcement des différents organes de l'Union. Mais alors, ça signifie-t-il que les différents partis sont en fait d'accord sur toutes les questions relatives à l'Union européenne ? Eh bien non. Alors bien que nous ayons vu jusqu'à présent des thèmes sur lesquels les candidats se sont accordés, il existe bien sûr des sujets de discorde. Prenons par exemple les discussions en cours sur le budget européen. Le parti écologiste, ainsi que Die Linke et le SPD, veulent instaurer des taxations aux grandes entreprises du numérique, ainsi qu'une taxe carbone aux frontières de l'Union. Cependant, la CDU-CSU, le FDP et l'AFD se sont prononcés contre la mise en place d'impôts européens. Quant aux réflexions concernant une politique d'asile européenne, les Verts se sont positionnés en faveur de plus de générosité. Ils voudraient mettre en place des sauvetages en mer coordonnés au niveau européen, ainsi que des routes migratoires légales. La CDU-CSU, en revanche, pense que l'aide aux pays en crise doit se faire directement sur place. Quelle conclusion tirer des différentes positions que nous venons d'évoquer avec toi, Mathilde ? Outre les opinions divergentes ou non des partis candidats aux législatives allemandes, on voit que l'Europe occupe une place centrale dans les programmes. Pourtant, ces sujets ont été assez peu évoqués dans la presse nationale allemande. Toutefois, on voit que ces élections ont un double enjeu à l'échelle européenne. En effet, en succédant à Angela Merkel, le prochain chancelier devra à la fois relever des défis essentiels pour l'avenir de l'Union, mais aussi défendre la place de l'Allemagne en Europe. Merci beaucoup Mathilde pour cette chronique. Et maintenant, dernière chronique de l'émission avec Nicole. Quelle influence d'Angela Merkel sur l'UE et dans l'UE ? Merci Juliette. Et oui Juliette, que signifie Angela Merkel pour l'UE ? Et que signifie son départ ? Comme nous le savons, ce dimanche ont lieu les élections fédérales allemandes, ce qui m'a donné envie de vous parler rapidement de ce symbole, maintenant plutôt ancien. Angela Merkel. Elle est une figure de pragmatisme. Elle est cette figure maternelle stable de l'UE en place depuis maintenant 16 ans. L'UE forte de son couple franco-allemand dans lequel seule Angela Merkel restait. Commençons sur quelques points sur le personnage. Elle est née en 1954 dans le Berlin-Est où elle grandit. Elle est donc à elle-même un réel symbole de l'Allemagne unifiée. Elle est aussi ce pont qui lie les anciens membres de l'UE aux nouveaux, soit les anciens États soviétiques. Depuis 2005, Angela Merkel a joué un grand rôle au sein de l'UE, notamment au sein du tandem franco-allemand. En effet, je peux citer la gestion de la crise financière de 2008, où le duo Merkozy a donné naissance au pacte budgétaire européen. Aussi, elle a remis en question les relations franco-allemandes. Selon elle, elles ne devaient pas être réservées uniquement à ces deux pays, elle avait plutôt en tête le rapprochement entre tous les États membres et notamment le rapprochement de l'Europe centrale et orientale, d'où la métaphore du pont. Berlin a joué un rôle déterminant dans l'adoption du plan de relance en réponse à la crise sanitaire du Covid-19. La pandémie a poussé Merkel à agir pour l'UE dans la crainte d'un effondrement de notre économie tout en renonçant en partie au principe de frein à l'endettement allemand. L'Allemagne occupe une place très importante dans l'UE. En effet, certes en raison du tandem franco-allemand, mais aussi en raison de sa puissance économique qui représente un atout considérable dans et pour l'Union européenne. Angela Merkel est depuis 16 ans le visage de l'Allemagne, mais aussi de l'UE. En tant que membre puissant, l'Allemagne a un pouvoir d'influence au sein de l'UE, surtout depuis le Brexit. En outre, le temps qu'elle a passé à la tête de l'Allemagne lui a donné une certaine crédibilité. Elle a assuré les relations entre l'UE et la Russie ou la Chine, par exemple. Par conséquent, son départ laissera un vide derrière elle. Une nouvelle personne au pouvoir pourrait affaiblir la stabilité qu'Angela Merkel a apportée en 16 ans. La fin de l'ère Merkel pourrait mener à la fin d'une ère de consensus. Quel citoyen de l'UE se voyait un jour sans Merkel? Ah, on s'en souviendra, Juliette. Nous pouvons faire plein d'hypothèses sur la signification de son départ, mais je ne demande qu'à voir. Merci beaucoup Nicole pour ce portrait haut en couleur d'Angela Merkel. Et c'est une fin d'émission. Je remercie tous nos chroniqueurs d'avoir bien voulu participer. Je vais vous souhaiter une bonne journée à tous. Mais avant toute chose, un peu de musique avec Salomé qui va nous présenter la dernière musique de l'émission. Après toutes ces chroniques sérieuses, il est temps de s'envoler vers un peu de légèreté. Et pour cela, rien de mieux qu'une chanson de Crow. Dans un tout autre registre que les musiques précédentes, nous vous proposons une échappée musicale avec le morceau de rap Traum. Yeah, Baby, nimm meine Hand, ich hab alles schon gepackt, komm, wir beide gehen weg von mir. Der Chat ist getankt, ich hab Geld auf der Bank und noch jede Menge Plätze hier. Und immer wenn du einsam bist, komm ich rum, du musst nie wieder alleine sein. Denn immer wenn ich dich sehe, macht es in mir tick, tick, boom, so wie deine Mama. Und alle anderen Girls wären gern wie du. Denn du bist wunderschön und gefährlich klug. Ey, oh. Und ich hoffe, dass du mich siehst. Ich bin verliebt und hab keinen Plan, ob es sich gibt. Doch manchmal behaupten sie, wenn du, doch ich sage, man, es stimmt doch nicht. Doch ich hab echt keinen Plan und ich frag mich, ob du überhaupt meine Sprache sprichst. Doch du bist eine von denen, die man nicht suchen darf, sondern irgendwann mal auf der Straße trifft. Und Baby, ich schrieb jedes Lied für dich. Doch bin alleine, denn sie sieht mich nicht. Ich hoffe, dass es geschieht, ich bin verliebt, doch hab keinen Plan, ob es sich gibt. Doch manchmal träum ich nicht los. Und wenn du mich da draußen gerade hörst, dann bitte warte kurz auf mich. Ich bin direkt bereit und fahr los. Und wenn nicht, geh ich einsam ins Bett und hoff, dass ich gleich wieder penne. Denn manchmal träum ich nur von dir.